Alors, président Bandakanir, il y a déjà une question qui était arrivée pour vous. Alors, il y a un téléspectateur qui demandait pourquoi est-ce que les trois pays, enfin, les trois pays qui sont qui partagent les mêmes frontières, qui font face au même problème de terrorisme, n'unissent pas leurs forces pour vaincre la terreur. Quels trois pays? Parce qu'il y a aussi. Pour préciser, Bon, je pense que c'est vrai il que sans parle du Mali, de précision, la Guinée, etc. on imagine que c'est Du dans l'esprit Mali, de. Guinée, le Voilà, Burkina Faso. on explique que c'est Mais l'esprit de cette c'est ça qui est personne. à l'ordre du jour, là. C'est ça qui commence là. C'est ça qui est à l'ordre du jour. C'est ça qui est à l'ordre du jour, là. C'est pour ça que nous encourageons ça. Il faut encourager ça, parce que là, ça va être le décollage, la première pierre véritable du panafricanisme. Ça va être la première pierre véritable de ce renouveau panafricaniste. Jusqu'à présent, les derniers panafricanistes se sont incrustés dans des nations prises individuellement, prises respectivement, au Mali, en RCA, au Burkina Faso. Maintenant, il faut, à partir de ces pays-là, construire le panafricanisme. Il faut le construire, commencer. Et là, ça va être au moment de voir jusqu'à où le président Doumbouya est prêt à aller. Je vous ai dit, il a posé des actes panafricanistes, c'est très encourageant, mais jusqu'à là, on l'observe, nous observons encore avec beaucoup de. On l'observe encore parce qu'il faut aller loin. Il faut que les fondations, de telles fondations ne doivent pas se mêler avec n'importe quoi. Il ne faut pas y mettre n'importe quoi. Sauf que si la fondation est fragile, c'est fini, la maison ne tiendra pas. Donc vaut mieux commencer avec deux sérieusement, qui sont sérieusement engagés, qui comprennent les enjeux panafricanistes, que de vouloir mélanger, n'est-ce pas? Je ne dis pas qu'il faut écarter le président Doumbouya, c'est pas ce que je suis en train de dire. Non, C'est mon opinion. Je dis, il a posé des actes. Nous, on continue à l'observer sérieusement. On continue à voir. Mais pour l'instant, vous avez deux pays, les orientations sont claires. Les orientations sont très claires. Donc, il faut encourager cette dynamique-là. D'autant plus que vous savez actuellement, mon cher Sidiki, si vous n'envisagez pas de manière globale votre sécurité, dans le contexte actuel, vous n'avez pas compris. Au niveau global, l'alliance avec la Russie est une réponse extraordinaire. C'est la réponse la plus logique. Mais, je dis bien, ça c'est au niveau global. Au niveau local, au niveau même sous-régional, pour parler d'une certaine manière, cette alliance-là, c'est-à-dire que cette possibilité que nous avons, à cause de la nécessité de ces deux pays de survivre, est une chance extraordinaire. Donc, j'avais dit ça, j'avais imaginé ça ici. Il fut une époque ici, au plus fort de la lutte contre Boko Haram au Cameroun. Vous savez, il y a une force multinationale mixte qui lie le Cameroun, le Tchad, je crois, c'est un pays de la région au niveau de la CEMAC. Même le Niger, je ne sais pas s'il continue à faire partie, était dans cette force-là. J'avais appelé ça l'embryon de panafricanisme militaire. Tout à fait. Je vais appeler ça comme ça. Bon, les Occidentaux ont torpillé ça, tant mieux, ils n'ont même pas torpillé, ils ont isolé ça, ça n'a jamais reçu de soutien, tant mieux. Vous comprenez, tant mieux. Dans ce sens, par exemple, on peut commencer quelque chose de fort. Et le panafricanisme militaire consiste à asseoir une matrice d'intelligence militaire africaine. C'est-à-dire à penser militaire sur les bases, n'est-ce pas, du terrain africain. Vous comprenez? À partir de la perspective globale, de la profondeur globale que nous donne l'alliance avec la Russie, sur le cas de Mali et Burkina Faso, c'est clair. Donc à partir de cette perspective-là, je dis bien que pour les deux pays, parce que d'autres pays peuvent envisager une multitude de partenariats militaires, hein. Là, je précise bien. Mais malgré ça, on peut le dire, à partir de la perspective stratégique que nous donne l'alliance avec la Russie, qui est une alliance, je répète, globale, qui s'inscrit dans le cadre de la recherche d'une profondeur globale pour les Africains, que les moyens militaires que nous avons actuellement ne nous permettent pas. À ça, il faut faire atterrir cette dynamique, cette alliance, ces alliances globales, dans la mutualisation, dans ce que j'appelle le panafricanisme militaire, qui consiste, par exemple, pour ces deux pays-là, à rapidement mutualiser leurs capacités militaires, comme je l'ai dit, pour attaquer, pour finir avec les terroristes. Bon, quand on dit terroriste, on n'est pas naïf. Nous savons qui est derrière. On sait, on est à régler ça, on sait qui est derrière. Tout à fait. Pour finir avec cette menace-là. Et vous allez voir que ben, la dynamique, la dynamique qui peut s'enclencher à travers une telle fédération, vous verrez que si les gens sont sérieux, ça va s'arrêter seulement aux militaires. Il y aura un engrenage forcément qui va comprendre que, mais au-delà, si le militaire a réussi, passons à un autre niveau, la monnaie par exemple, passons à un autre niveau de réflexion. Là, ce sera l'intelligence économique, de réfléchir sérieusement. Quand il dit intelligence économique, il ne dit pas seulement des occidentaux. Hein. Quand je parle d'intelligence, je veux dire comment réfléchir pour nous sortir des griffes, du choc économique dans lequel nous nous trouvons. Par exemple, au niveau de la fixation des prix de nos matières premières, et au niveau de la valorisation de nos matières premières, une fois qu'on a libéré ces matières premières, bref, comment casser, n'est-ce pas, comment inverser les tendances structurelles de nos économies. Vous voyez, donc, cet engrenage vertueux va se construire et va accélérer, n'est-ce pas, cette dynamique-là. C'est qu'on commence là au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Mais une dynamique pareille a été amorcée en Afrique centrale. Bon, ça se fait sous silence parce que, comme je l'ai dit, le Cameroun, son leader ne parle pas beaucoup. Mais la fusion CAC-CEMAC, parce que pour ça, il faut suivre aussi de près. Cette fusion CAC-CEMAC est quelque chose qu'il faut suivre de près. En espérant qu'elle ne sera pas torpillée, mais imaginez que cette fusion-là aille au bout. À l'autre bout, on a là quelque chose qui peut être trop fort, qui peut être trop puissant. Parce que vous imaginez que dans la CEAC, c'est mal fusionné, vous avez la RDC par exemple. Voilà. Vous imaginez ça. Merci. Je parle pas de l'Angola et des autres. Vous voyez comment une puissance peut se lever et inverser la tendance qui consiste à faire croire que le Golfe de Guinée est une malédiction pour nous. Ça deviendra un avantage pour nous parce que une CEAC qui fusionne avec la CEMAC peut très bien contrôler le Golfe de Guinée et le valoriser pour le compte des Africains. Merci beaucoup à vous, Président Bandakani. Afrique Média, le monde, c'est nous.